France Culture, Christine Bernard. En raison du mouvement social à Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser le programme prévu. En lieu et place, nous vous proposons une nouvelle écoute. Une histoire particulière. Alors que la Turquie est revenue ces derniers jours à la une de l'actualité géopolitique, une histoire particulière prend le parti ce week-end de vous raconter une autre histoire. On change d'époque et l'on vous raconte pour ce premier épisode l'histoire d'un diplomate ottoman, célèbre collectionneur de tableaux, qui possède parmi son catalogue d'œuvres d'art le tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde. Même si pendant des années, nous n'avons rien su de l'identité de la femme qui posa pour Gustave Courbet, aujourd'hui ce n'est plus un secret. Pourtant, Ilana Navarro et Annabelle Brouard ont encore des choses à nous apprendre sur l'origine du monde. C'est l'histoire de deux femmes. Deux femmes qui ne se sont jamais rencontrées. Elles n'avaient rien en commun si ce n'est un homme, un collectionneur ottoman nommé Halil Bey. Ces femmes ont bel et bien joué un rôle dans l'histoire de l'art. En tout cas, elles ont vécu une histoire particulière avec des peintres. L'une à Paris, l'autre à Istanbul, elles ont été modèles à la même époque, au milieu du 19e siècle, au moment où la représentation du corps de la femme est en train de devenir un enjeu de civilisation. C'est un nu féminin, mais un nu qui ne ressemble à aucun autre. C'est un ventre de femme avec les seins, le sexe. Elle est dans un grand drap blanc. Le modèle, vous ne voyez pas sa tête. La princesse et le dandy ottoman. Première partie, Constance, la femme sans tête. Jusqu'à récemment, personne ne connaissait son nom. Mais des milliers de visiteurs du monde entier voient son sexe exposé au musée d'Orsay tous les jours. Personne ne savait, ne connaissait le tableau. Le problème, c'est ça. Le tableau était un tableau inconnu et resté très longtemps un tableau secret, puisque jusqu'à son arrivée à Orsay, on ne pouvait pas le voir. C'est un tableau qui a vécu une vie totalement secrète jusqu'en 1995. Quelques-uns l'ont connu, c'est tout. De très nombreuses hypothèses ont été formulées, notamment celle qu'il pouvait s'agir de Johanna Ifernan, qui était la maîtresse de Whistler et de Courbet, une rousse flamboyante. Cette hypothèse se heurte à un détail anatomique très visible, à savoir que la pilosité du sexe, qui est extrêmement visible sur le tableau, et c'est quelque chose qui est extrêmement rare dans la peinture, tous les nus féminins sont représentés en général glabres, sans aucun poil. Donc cette pilosité est très brune et ne correspondrait a priori pas à la chevelure rousse de Johanna. Isolde Plodermacher. Alors il y a plusieurs hypothèses qui ont été formulées. Conservatrice en chef au musée d'Orsay. La façon dont le tableau avait pu être peint, notamment le fait que Courbet aurait pu s'inspirer de photographies de l'époque, de photographies à caractère pornographique qui circulaient sous le manteau. Après, il y a ce côté extrêmement vivant, on voit qu'il y a les veines qui apparaissent sous la peau. Ce qui est quand même étonnant dans la toile de l'origine du monde, c'est la qualité de la chair, de la peinture de la chair. Et donc, moi, je crois que la couleur plaide en faveur d'une pose réelle, d'un modèle réel. C'est un tableau qui convoque bien sûr la pulsion scopique, hein, ce désir de voir au plus près. Et il est vraiment très singulier parce qu'il est à la croisée de plusieurs chemins. On est vraiment à la fois dans la tradition du nu féminin, mais complètement détourné. On est face à un fragment, la pilosité est présente. Et finalement, on est aussi très proche des représentations plus purement anatomiques qui faisaient par exemple l'objet de planches médicales. Donc Courbet en fait mélange plusieurs imaginaires, plusieurs types de regards, un regard érotique bien sûr. Il nous met face directement ce sexe féminin présenté de face et non pas un peu noyé dans un corps entier, vu par exemple de profil, avec une femme endormie, un satyre qui va la découvrir pendant son sommeil, avec beaucoup de moyens qui ont pu être employés avant lui pour laisser finalement le spectateur un petit peu à distance, enfin, dans une zone de confort, je dirais. Là, quelque part, on est vraiment face au sujet sans pouvoir se détourner de ce nu. dans le cabinet de toilette du personnage étranger, lorsque l'on écartait le voile, on demeurait stupéfait d'apercevoir une femme de grandeur naturelle, vue de face, émue et convulsée, remarquablement peinte, reproduite con amore, ainsi que le disent les Italiens, et donnant le dernier mot du réalisme. Tout le monde sait ce que représente l'origine du monde dans ce que ce tableau a d'indicible, d'indécent aussi, ce qui explique que le tableau ait été beaucoup entouré de secrets et donné à voir dans des conditions très particulières chez Halil Bey. Pour plaire à un musulman, Halil Bey, qui payait ses fantaisies au poids de l'or et qui pendant quelque temps eut à Paris une certaine notoriété due à ses prodigalités, Courbet fit un portrait de femme difficile à décrire. Nous sommes en 1856. Tous les chroniqueurs de la vie parisienne évoquent Halil Bey, le commanditaire du tableau, ce musulman qui payait ses fantaisies à prix d'or. Quel délicieux parfum d'exotisme et de scandale. Ce tableau, c'est évidemment celui qu'il va non pas exposer dans la galerie de tableaux de son appartement du boulevard des Italiens, mais dans sa salle de bain, derrière un rideau, avec cette espèce de dispositif donc de dévoilement d'un tableau représentant un nu, signifiant la nudité, et avec ce dispositif des conditions dans lesquelles le tableau peut être regardé, c'est-à-dire un tableau de la nudité féminine la plus crue dans une salle de bain où soi-même on apporte des soins à son corps dans un état de nudité. Par un inconcevable oubli, l'artisan qui avait copié son modèle d'après nature avait négligé de représenter les pieds, les jambes, les cuisses, le ventre, les hanches, la poitrine, les mains, les bras, les épaules, le cou et la tête. Qui était cette femme sans tête ? Pendant plus de 160 ans, c'était une énigme pour les journalistes, les historiens, les amateurs d'art et de scandales. Où ai-je mis ça, Louis ? Finalement, c'est un chercheur qui l'aura trouvé sans même l'avoir cherché. Au départ, c'est la phrase surprenante pour moi qui suis tombé des nues. Claude Schoppe. Cette phrase qui portait sur Courbet. Biographe d'Alexandre Dumas-Fils. Et Dumas, parlant de Courbet, disait « Courbet est sans excuse. Voilà pourquoi je suis tombé dessus. » Sous-entendu, je suis tombé dessus à bras raccourcis. Quand on a son talent, qui sans être exceptionnel est remarquable et intéressant, on n'a pas le droit d'être aussi orgueilleux, aussi insolent et aussi lâche. Sans compter qu'on ne peint pas de son pinceau le plus délicat et le plus sonore. Et je lisais l'interview de Mademoiselle Queignot, de l'opéra, pour le Turc, qui s'y hébergeait de temps en temps, le tout de grandeur naturelle. Et là, je me suis arrêté en me disant, mais interview, bien sûr, ça ne voulait pas dire grand-chose. L'interview, d'abord, en 1872, c'était un peu tôt, donc ce n'était pas interview, alors c'était quoi ? J'ai donc cherché, je me suis dit, entre interview, inter, ça doit être commencé par inter, hein, alors intermède, intermédiaire, inter, tout ce que l'on veut. Et puis à un moment, je me suis dit, ben non, c'est intérieur, bien entendu. Il faut dire que je travaillais sur une transcription, c'est-à-dire ce n'était pas le manuscrit. Il était évident que la transcription était fausse et que la bonne leçon, c'était intérieur de Mademoiselle Queignot. Je pense que la personne qui avait transcrit les lettres avait eu un moment de fatigue et avait écrit l'interview sans chercher à lire plus loin. Et je savais très bien que le Turc ne pouvait être que Khalil Bey. Pourquoi ? C'est que, comme Khalil Bey, Dumas-Fils est un grand collectionneur, peut-être le plus grand collectionneur de peinture de cette deuxième moitié du 19e siècle. Donc, de collectionneur à collectionneur, je pense qu'il y a des passerelles. C'est malgré tout le monde quand même des gens qui ont réussi, dépensent beaucoup d'argent, qui sont des hommes publics, hein, ce sont des hommes publics l'un et l'autre. Donc la chose était claire, l'énigme était résolue, et j'étais interloqué. Je me suis dit, c'est pas possible, quelle est cette personne dont parle Dumas-Fils ? Et bien sûr, le tableau de Courbet, l'origine du monde, est venu dans mon dans ma mémoire, et donc je me suis dit, voilà, j'ai découvert la femme sans tête la plus vivante du musée d'Orsay. Elle a un nom maintenant, c'est Constance Queniaux. Elle n'était qu'un nom, il fallait qu'elle devienne quelqu'un. Des hommes du monde, trois hommes de pouvoir. Un peintre qui adore les scandales, Gustave Courbet, un écrivain qui le déteste, Alexandre Dumas fils, et un collectionneur qui l'admire, Halil Bey. Derrière tous ces hommes, une femme. Savait-elle qu'elle acceptait le rôle de celle qui fut à l'origine du monde ? Comment en était-elle arrivée à cette place qui lui donnait, malgré elle, un pouvoir subversif ? Son histoire commence à l'opéra, à la fin des années 1840. Il faut penser que lorsque Constance commence la danse, elle a 14 ans. Et sa mère était dite gazetière. Elle travaillait en usine qui fabriquait de la gaz. Et donc, le foyer de l'opéra est un foyer purement érotique, puisque c'est un foyer d'échange. Les mères de famille, ou les tantes, marchant en quelque sorte les jeunes femmes qui sont là. Enfin, c'est comme une sorte de bordel pour gens riches et aisés. Et puis très souvent, il y avait des loges qui étaient totalement masculines. Celle qu'on appelle la loge infernale parce qu'elle faisait la pluie et le beau temps à l'opéra, elle sifflait qui elle voulait, etc. C'était une loge entièrement masculine. C'était quand même le règne de l'homme sur ses danseuses. Et vous savez que la chose très drôle, c'est l'obligation qu'avait chaque compositeur d'avoir au quatrième acte un ballet. Pourquoi un ballet ? Parce qu'il y avait des danseuses. Pourquoi des danseuses ? Parce qu'elles étaient dénudées. Ça avait été presque un sujet polémique dans les années 1828-1829, quand le ministre de la Maison du Roi avait exigé que les jupes des danseuses fussent rallongées, parce que c'était indécent. Donc il y avait un jeu sur le corps. Quoi, on expose et on cache le corps. Que pouvait faire une fille naturelle dans un milieu où on ne sait ni lire ni écrire au XIXe siècle, sinon qu'est-ce qu'elle a à vendre ? Elle doit se vendre pour réussir. Mais le problème, c'est de bien gérer cela. Pour gérer les hommes, Constance avait vite compris qu'il fallait prendre le pouvoir sur eux. Se rendre désirable au point que les plus riches, les plus titrés, les plus en vue rampent à ses pieds. Elle n'était pas la seule. À Paris, les courtisanes étaient une classe de femmes qui avaient réussi leur revanche sociale. Il arrivait même que ces aristocrates de la prostitution jouent le rôle de dames de compagnie pour vieillards riches et angoissés. Je ne me rappelle le père Esprit Aubert que vieux naturellement. Ce Pachalik comptait quatre sultanes favorites. Mademoiselle Amakers, Mademoiselle Poinceau, Mademoiselle Dameron et Mademoiselle Queniaux. Elles étaient de tous les dîners, de toutes les représentations. À 6 heures toquant, pluie ou soleil, elles sonnaient à la porte du petit hôtel. Le rôle, en somme, si léger qu'il ait été, fut un rôle de consolatrice. C'était bien quelque chose d'alléger ce poids d'années, de se placer gaie et rieuse entre le vieillard et la mort, pour lui en masquer le laid visage, pour lui épargner l'angoisse qui précède l'approche du grand inconnu. On les désignait plaisamment alors l'attelage à quatre du père Aubert. Presque tous les soirs, on les voyait à l'opéra ou à l'opéra comique, ce groupe formé d'un vieux musicien et de quatre femmes, ce qui est quand même très étrange. Et je pense que toutes ces femmes, Constance compris, ont vécu des hommes, mais ont essentiellement aimé les femmes. Je pense que là, il y a un petit club de femmes qui s'entraident, qui se comprennent, parce que ce sont toutes des artistes. Il y a une personne de la Comédie française, il y a une ancienne chanteuse, une autre danseuse. Donc ces femmes s'aiment, et dans le fond, elles se servent des hommes. Les courtisanes étaient donc incontournables. Elles étaient la porte d'entrée dans le tout Paris. Et lorsque vous étiez un dignitaire étranger comme Halil Bey, vous deviez passer par elles. Je crois que Halil Bey a été le but d'un certain nombre de courtisanes. Sa richesse était connue. Il a fait beaucoup de bruit en arrivant à Paris parce qu'il a acheté une écurie de courses, de chevaux. C'est devenu un clubman important. C'était peut-être l'écurie la plus importante de Paris. Halil Bey est un personnage très convoité à Paris parce que c'est quelqu'un qui vit de manière extrêmement fastueuse. Bertrand Tillier. Et éclatante. Historien. Il fait la démonstration d'une richesse qu'on assez rapidement entrevoit comme peut-être infinie. Et cette démonstration, elle se traduit par des actes, des attitudes, des décisions, un mode de vie, le fait qu'il collectionne les œuvres d'art, le fait qu'il collectionne les maîtresses. Mémoire d'un journaliste parisien. Il se nommait Halil Bey. Il venait de faire un héritage qui le mettait en possession de 10 millions de francs. Dès que Halil Bey fut arrivé à Paris, sa réputation d'homme du monde et d'homme d'esprit ne fut pas longue à s'établir. 4 ou 5 ans durant, il n'a été question que de son luxe et de ses folies. On était tout étonné de trouver dans la bouche d'un Turc toutes les fines appréciations qui ne sont de mode que dans les cercles de notre capitale. Chez beaucoup d'orientaux, on trouve les éléments d'un conte des mille et une nuits. Les vieilles marchandes de plaisir lui amenaient des esclaves parisiennes, comme sur les bords du Bosphore, les vendeurs de chair de femmes lui avaient présenté les plus jolies filles du Caucase. Et l'on m'appelle l'oriental, le brun au regard fatal. Halil Bey était bien conscient qu'il suscitait chez les Français un mélange de curiosité et de mépris. Qui était-il? Que venait-il chercher dans la ville lumière? Pourquoi collectionnait-il des œuvres d'art? Celui qu'on appelle Halil Bey en français, Halil Chérif Pacha dans un contexte ottoman, est un personnage un peu exceptionnel. Etem Eldem, historien de l'Empire ottoman. On ne peut pas le considérer comme une sorte de représentation de l'élite ottomane. Il est suroccidentalisé. Il se distingue de la masse de l'élite ottomane, déjà par le fait qu'il a vécu à Paris, par ses propres moyens, un peu comme un nabab, en se dissociant complètement de la fonction publique dans l'Empire ottoman. Ce n'est que plus tard, dans les années 70, qu'il deviendra ministre des Affaires étrangères, etc. Donc, en gros, c'est un cas très particulier. L'attrait de Paris, c'est la vie parisienne, cette espèce de mirage, de fantasme. Paris, c'est la ville de la fête permanente, c'est la ville des boulevards, c'est la ville des cafés, c'est la ville des théâtres, de l'opéra. Enfin, donc, Halil Bey, il vient à Paris, à la fois parce que Paris a déjà cette réputation, et puis parce que c'est là où tout se passe, hein, avec l'idée que les mœurs sont aussi très libérales. Puis c'est la ville qui décrète être le lieu où s'invente l'art moderne, la peinture moderne. C'est la ville du salon, même s'il y a des salons dans beaucoup d'autres capitales européennes, c'est la ville du salon. C'est une ville où la presse est extrêmement développée, où donc on peut avoir une sorte d'existence médiatique, comme on dirait aujourd'hui, à travers tout ce que les écotiers, les journalistes peuvent raconter de vos hauts faits, dans les salons, de vos mots d'esprit, de vos parties de cartes où vous jouez 100 000 francs sur une carte, au bout de 10 heures de partie, à 5 heures du matin, et où vous gagnez, où vous perdez tout. C'est ce monde-là qui sans doute séduit beaucoup Halil Bey, qui peut-être est un peu fatigué des trésors de diplomatie qu'il a dû développer dans ses précédents postes. Hein. Il arrive en 1865, il repart en 1868, et en moins de 3 ans, il a constitué une des plus belles collections de peinture moderne qui peut presque rivaliser avec celle des grands collectionneurs de son temps. Et c'est tout cela qui va nourrir le personnage, là je ne parle pas de la personnalité, mais le personnage de Halil Bey dans la manière dont la presse du Second Empire va rendre compte de ses hauts faits et va contribuer en fait à construire une légende. Courrier des Salons, 1867. Parmi les étrangers de qui Paris a beaucoup parlé, il faut citer en première ligne Halil Bey. Halil Bey est un des heureux de ce monde. Il est très instruit, très bien élevé et d'un goût exquis. L'univers illustré. Il s'y connaît mieux que tout autre en objet d'art. 25 janvier 1879. Delacroix, Ingres, Courbet, Halil Bey achetait des tableaux qui n'étaient pas tous de ceux qu'un mari laisse voir à sa femme. Et jetait si orientalement son argent par les fenêtres. Halil Bey arrivait à Paris au moment où se figeait, dans l'esprit des Européens, la vision de l'Orient. Il prit un malin plaisir à endosser le rôle de l'oriental. L'élite ottomane et égyptienne se retrouve tout d'un coup en plein milieu de la question orientaliste. Qu'est-ce qu'on fait de cet Orient ? Pas la question d'Orient, mais la question orientaliste, c'est-à-dire comment est-ce qu'on traite, comment est-ce qu'on juge, comment est-ce qu'on identifie cet Orient. Ce qui détermine les relations, les rapports de pouvoir entre l'Occident et l'Orient, à partir de 1798, c'est que l'orientalisme, c'est-à-dire l'idée que l'Occident se fait une image de l'Orient qui est extrêmement caricaturale et surtout qui est figée dans le temps, dans l'espace, etc., qui est une sorte d'inéluctabilité du retard de l'Orient sur l'Occident, sur le progrès. Quand vous regardez le XVIIIe siècle, la différence entre la France et l'Empire ottoman, ce sont des systèmes qui se ressemblent beaucoup, et il est difficile de dire que la France est vraiment beaucoup plus évoluée, beaucoup plus développée, etc. Au XIXe siècle, politiquement, industriellement, économiquement, culturellement, la différence, l'inégalité entre l'Europe et le Moyen-Orient, l'Empire ottoman, dans mon cas, devient excessivement prononcée. On parle vraiment de deux mondes complètement différents et il y a quand même une victoire, une sorte de mainmise, de domination de l'Occident sur pratiquement tout le monde. Donc c'est le colonialisme à son apogée, c'est ce qui deviendra à la fin du siècle l'impérialisme, donc quelque chose d'extrêmement violent puisqu'il y a une mainmise sur les ressources et sur pratiquement tout ce qui compte dans ce qui deviendra le tiers-monde. Et là, l'orientalisme, il devient beaucoup plus marqué, beaucoup plus méchant, entre guillemets, puisque il se double d'un sentiment de supériorité qui est vraiment confirmé par un état des choses. Et ça change tout. Donc ça n'est plus vraiment de la curiosité, c'est vraiment de l'arrogance. Et c'est dans ce contexte-là que certains acteurs de l'Orient vont devoir, en quelque sorte, adopter des attitudes qui sont tout à fait occidentales et par conséquent reprendre à leur compte un rapport de force, un rapport d'inégalité. C'est ce qu'on appelle l'orientalisme oriental. On peut appeler ça une aliénation, une acculturation. Mais d'un autre côté, ça n'est pas, comme certains le prétendent, une forme de schizophrénie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui gèrent très bien cette dualité. Ce ne sont pas des gens qui se sentent entre deux mondes. Ils se sentent très bien dans leur rôle, puisque ils ont quand même un système qui permet d'utiliser ces clichés assez librement. Ils sont coupés de la réalité du monde de tous les jours. Donc ils peuvent pratiquer leur orientalisme oriental dans des cercles qui sont soit familiers, soit intimes. Et bien sûr, à chaque fois qu'ils se retrouvent en Occident et où ils sont ravis de s'entendre dire « Mais voyons, vous n'êtes pas vraiment oriental. » Eh bien si, Halil Bey était bien un oriental, en tout cas tel que les Parisiens l'imaginaient. La preuve, il avait acheté le bain turc d'Ingres, un chef-d'œuvre qui caricaturait parfaitement l'image de la femme du harem. Ce tableau, il l'avait d'une certaine manière acquis grâce à Constance Quéniaud. Constance étant porte-veine, c'est-à-dire portant la chance aux joueurs, une des raisons de sa fortune, c'est peut-être là aussi. Ces tableaux ne sont pas toujours du meilleur goût, mais elle a véritablement une collection. Comme Khalil Bey a une collection, donc elle a un œil. Donc il y a peut-être des goûts communs, autres que un rapport purement sexuel, mais il y a peut-être une espèce de connivence commune. Et dans le monde, dans le fond, assez grossier qu'il fréquente, même si c'est un monde riche, c'est un monde grossier, ils sont peut-être des âmes de distinction l'un et l'autre, dans leur domaine particulier, bien entendu. Pour un joueur, avoir de la chance, lorsque Constance n'était pas là, Khalil Bey perdait. Et quand ils ont rompu, Il a perdu. Et effectivement, il a perdu énormément d'argent. C'est à ce moment-là qu'il a vendu tous ses tableaux. Il est bien évident que l'Origine du monde ne fait pas partie des tableaux du catalogue de la vente de Khalil Bey en 68. Là, il l'a vendu, comme on dit, sous le manteau, sans qu'on en sache rien. Cette galerie n'est pas nombreuse, 100 tableaux tout au plus. Mais elle est choisie. Nous commencerons par les modernes. Ingres, le peintre des odalisques, celui qui de nos jours possédait le mieux le sentiment de l'élégance féminine, se présente avec son bain turc. C'est une page importante et singulière de l'œuvre d'Ingres. Une toile amoureusement caressée de son plus suave pinceau, 20 fois quittée et reprise, comme une femme avec laquelle on ne peut se décider à rompre. Une sorte de harem qu'il n'a congédié qu'à la fin de sa vie et dans lequel il venait de temps en temps prendre une odalisque ou une nymphe. Khalil Bey est rentré à Istanbul, où il a repris sa vie d'avant, celle d'un diplomate, puis de ministre, y compris brièvement le ministre des Affaires étrangères de l'Empire ottoman. C'est une de ces maisons. Constance, elle, a continué sa vie de demi-mondaine avant de devenir philanthrope, aidant l'orphelinat des arts par ici, faisant des dons pour les pauvres par là. Voilà, on arrive. En fait, nous sommes dans l'endroit le plus prestigieux de Kaboul, puisqu'on a en face de soi le grand hôtel où Proust a eu ses habitudes. Ce qui m'attriste toujours, c'est de savoir que Proust est arrivé à Kaboul l'année de la mort de Constance. En fait, dans la vie de Constance, il y a un côté Odette. On est vraiment dans ce milieu entre la mondanité et la prostitution, en définitive. Enfin, il suffit de regarder la nana de Zola, par exemple. On est dans la même configuration. Nana finit mal parce qu'elle ne sait pas, justement, comme Constance, garder du bien, des biens. Notre amie Constance est justement l'anti-nana par certains côtés, parce qu'elle, elle finit bien. La fin de Constance est une fin glorieuse, en fait. Elle a réussi un prodige. Son corps a été destiné à... Au départ, était une marchandise. Comment a-t-elle magnifié suffisamment son corps pour en faire autre chose, pour en faire en quelque sorte une œuvre d'art? Quelque part, il y a le passage de la marchandise à l'œuvre d'art. Quant au tableau représentant son sexe, il a été vendu sous le manteau pendant plus d'un siècle et passé dans les mains du psychanalyste Jacques Lacan avant d'atterrir au musée d'Orsay. Les gens ont peur du tableau. Ils s'en détournent, ils ne veulent pas être vus en train de regarder. C'est un tableau justement assez mystérieux à cause du pouvoir qu'il a. Et pendant qu'il est en train d'observer les gens qui déambulaient là pour sans regarder vraiment le tableau, il y a à ce moment-là une dame qui est arrivée. Elle était avec son grand petit-fils, qui doit avoir dans les 22-23 ans. Sans se détourner, elle a regardé le tableau et elle a dit « Regarde mon petit, c'est de là que tu viens ». C'était l'histoire de Constance Kenyo, le modèle secret d'une des œuvres les plus subversives de l'histoire de l'art. Mais derrière ce tableau se cache une autre histoire, méconnue, d'une autre femme de Khalil Bey, l'orientaliste. Et comme il se doit avec cet amateur d'art et de scandale, cette héroïne a aussi une histoire particulière avec une peinture. Le modèle, la princesse et le dandy ottoman, à suivre, deuxième partie, Nazlı, le harem revisité. En raison d'un appel à la grève, le cours habituel de vos programmes est modifié. Cette émission vous était proposée en nouvelle écoute.